Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je m'appelle Arthur Crouzet, je suis le responsable développement MLM du réseau Optimum Immobilier. Donc Optimum Immobilier, c'est un réseau qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine et qui s'évertue à créer des projets de vie et à vous accompagner pour devenir conseiller immobilier. Donc c'est un réseau national qui comporte environ 1800 conseillers et on vous attend au stand SME pour pouvoir vous présenter l'opportunité et je vous dis à bientôt.